Lettre deuxième, de Lyon, le 22 août 1817. Je suis arrivé à Lyon, et j'étais stupéfait en parcourant cette grande cité. Les sacrifices de notre roi ne peuvent l'attirer du néant où elle est plongée. J'ai interrogé. On ne m'a répondu que par un silence effrayant. J'ignore si d'ici à mon retour, cette ville, jadis si florissante, se sera relevée de ses ruines. Mais l'aspect de sa misère m'ôte jusqu'à l'espérance. Je jette un coup d'œil sur ces immenses magasins aujourd'hui déserts, et naguère nourrissant des milliers de fabricants. Je plains ce pauvre peuple, je détourne la vue, et le cœur déchiré, je poursuis ma route vers Marseille.